Mais oui, c'est la dernière, les 10 dernières minutes, c'est terminé. Top chrono, on est toujours dans la badminton. Parlons de 2017, on parlait un petit peu du palotage pour pouvoir se déplacer, pour aller au gymnase de Bédarrides, pour vivre un petit peu 2024, se sentir un petit peu impliqué dans l'esprit olympisme. Dimitri ? Voilà, tout sera fléché, on va essayer de flécher assez en amont pour indiquer notre fameux village olympique, notre manifestation olympique. Donc tout est prévu la veille pour le fléchage, un grand fléchage en bon uniforme, pour dire que tout le monde puisse se trouver facilement notre site. Aujourd'hui, tous les médias sont derrière toi, les médias vauclusiens, je parle bien, parce que c'est vrai qu'on parle des journaux, on parle de nos amis, d'autres en radio. Est-ce que tout le monde a été un petit peu sensible à cet événement, quoi ? Oui, les médias ont répondu présent. Les premières annonces devraient paraître la semaine prochaine dans le Dauphiné, la Provence, Vaucluse Matin, dans toutes les radios locales. Donc on essaie de faire vraiment la pub de cet événement. Surtout qu'en plus, c'est quand même une action nationale, donc c'est pas trop courant ces derniers temps. Donc il y a un gros coup à faire, un gros coup à marquer. Est-ce que tu seras de la part de Paris 24 l'un des invités privilégiés si des fois la candidature venait à aboutir? Est-ce que c'est aussi une façon de partager un événement mondial comme les Jeux Olympiques si... Oui, je pense que maintenant, étant rentré dans les partenaires, si la candidature de Lima dans 100 jours nous dévoile Paris 2024, je pense qu'il y aura d'autres festivités du coup qui seront prévues. J'espère qu'on participera à d'autres événements jusqu'en 2024. Le badminton est porteur de ce projet parce que c'est vraiment un sport olympique où le badminton s'investit beaucoup. Les sportifs de haut niveau français émergent. On a des jeunes joueurs, je pense à Thomas Popov qui est junior, qui a glané 3 médailles d'or au dernier championnat d'Europe, champion d'Europe en simple, champion d'Europe en double et champion d'Europe en mix, chose qui n'était jamais arrivée dans le badminton français. Parce que quand même, le badminton en France, c'est un sport nouveau, je veux dire. C'est pas quelque chose. On n'a pas une culture sur ce sport-là par rapport au Pakistan ou peut-être d'autres. Voilà, on n'est pas comme la Chine, on n'est pas comme l'Indonésie, on n'est pas aussi. Pas comme le Danemark qui est le leader européen, mais on est en train de devenir leader européen, l'air de rien. On est en train de pousser un peu les Danois. On a des jeunes Français qui ont des résultats. On a des Français seniors qui ont obtenu leur première médaille européenne en double mix. Et ils sont de Aix, donc c'est des joueurs de la région. On voit que Dimitri, tu t'es investi énormément dans ce sport. C'est pour ça qu'on va pouvoir un petit peu s'élargir. Combien de licenciés aujourd'hui en France? Oh, le nombre de licenciés, je connais pas le chiffre exact. Je croyais que tu étais un petit peu au contact des instances fédérales et de ce sport, et tu savais à peu près 300 000 ou 200 000. Je ne sais pas le nombre de licenciés, je ne vais pas dire de bêtises. Le club non plus. On a une élite nationale de 12 clubs, avec les clubs de la région qui sont très bien représentés, Fos-sur-Mer et Aix. Fos qui a fait partie du Final Four cette année encore une fois, qui finit encore 3e. Mais avec des joueurs de l'INSEP à Aix, je pense à Ronan Labarre. Donc Christo Popov qui est un jeune joueur de 14 ans qui joue à Fos-sur-Mer, qui est un peu vu comme la future star mondiale, pas la future star nationale, mais la future star mondiale. Il a 14 ans qui risque d'intégrer une école en Chine, tellement il a un niveau supérieur. Non mais c'est... un sport dans la région. Le bassin méditerranéen est bien implanté, tu veux dire qu'aujourd'hui... Fait partie des meilleures ligues de France, la Ligue PACA fait partie des meilleures ligues chez les jeunes. Là, il y a eu les championnats de France jeunes récemment où la Ligue PACA a glané 13 médailles. Fait partie des grosses ligues, des ligues puissantes du badminton. Ouais, je vois aujourd'hui ton implication, ça me fait plaisir parce que tu arrives quand même du tennis. Il ne faut pas oublier Roland Garros qui vient de se terminer, qui est en cours. Et ça va se terminer ce week-end. Hein. Avec nos jeunes Français, tu as un résultat peut-être? Oui, j'ai pas suivi Gaël. Mon fils qui a été éliminé par Stan Wawrinka en 3-7. D'accord. Après deux gros sets, 7-5, 7-6, c'est un troisième set où là, c'est un peu... Tu as retrouvé un petit peu ces mêmes attaches, parce que le tennis, c'est autre chose. Hein, et le badminton, c'est un petit c'est peu différent. Le badminton, c'est plus une discipline familiale, conviviale, où les joueurs sont beaucoup plus accessibles. Le tennis, c'est quand même un cran en plus au niveau professionnalisme. En badminton, on sent encore un peu d'amateurisme, beaucoup quand même. On a beaucoup plus de progression en badminton qu'au tennis, voilà. Parce que le tennis, on sait que c'est très dur le tennis. C'est très dur le tennis. Ouais. Par contre, le badminton, un enfant qui arrive à 13-14 ans, sur le tard au badminton, en s'arrondant la barre, qui est arrivé, qui a commencé 13-14 ans, fait partie actuellement de l'équipe de France. La progression est tellement rapide que les capacités des enfants, l'adaptation... C'est le succès de ce sport. Je pense que c'est le succès de ce sport, c'est le sport qui est le plus pratiqué au niveau scolaire. Oui, parce que on connaît un petit peu la difficulté de tous les jeunes d'aujourd'hui. C'est pas que les jeunes d'aujourd'hui, mais c'est aussi un petit peu les gens qui veulent s'initier au sport. On veut de suite du résultat, on veut de suite progresser. On ne se donne pas le temps qu'on mettait avant d'avoir des résultats, s'entraîner beaucoup, se préparer physiquement. Aujourd'hui, au badminton, ça va beaucoup plus vite. Au badminton, ça va très vite. La progression est très rapide. Au bout d'un an, les gens ont l'impression de... savent quasiment faire tous les gestes, prennent beaucoup de plaisir parce que les échanges avec un partenaire se fait tout de suite. Il n'y a pas besoin de 2-3 mois d'adaptation. Au bout de 2 séances, on est capable de jouer, de faire des échanges avec un adulte. Un enfant est capable de jouer avec un adulte, chose qu'on ne peut pas faire au tennis. Je te pose une question, c'est autre chose. Toujours dans la badminton, aujourd'hui, il y a des graves blessures dans la badminton. C'est quoi les points sensibles de musculaires qui peuvent arriver à des joueurs? C'est un sport traumatisant parce que c'est des efforts... court et vif, donc il y a beaucoup de ruptures de tendon d'Achille, beaucoup à ce niveau-là. C'est surtout le bas du corps, alors qu'on pourrait penser que ce serait peut-être plus l'épaule, mais c'est tout ce qui se trouve au niveau du bas du corps, les ruptures musculaires au niveau des mollets, les ruptures de tendon d'Achille, les blessures les plus fréquentes. Donc l'échauffement est important, la préparation physique est importante, les étirements sont importants. Ça aussi, tu inities un petit peu. Oui, les plus jeunes sont sensibilisés à ça parce que même à l'orage, c'est un sport qui peut être vite très traumatisant. Donc oui, dans la préparation, on essaye d'implanter, on travaille avec un kiné ostéopathe qui les sensibilise à ça, qui leur explique les bons gestes à faire, quels muscles travaillent, comment préparer ses muscles. Donc oui, tout ça, c'est préparé. Dimitri, c'était la dernière. L'équipe va prendre un petit peu de repos. On est très heureux de t'avoir accueilli. Rappelons-nous, le 23 juin. Mobilisez-vous. Voilà, venez nombreux à soutenir Paris 2024. C'est important. C'est au gymnase de Bédaride. C'est au gymnase de Bédaride. Vous retrouverez cette émission en podcast. Ça veut dire que, quelque part, si vous voulez savoir tout ce qui s'est dit dans cette émission, eh bien, vous retrouvez sur le site de Fly FM en podcast. Vous aurez bien sûr Top Chrono, la dernière. Alors, c'est une habitude chez nous parce que c'est plutôt galant. On va faire parler les dames, on va se retourner du côté de Marie. Marie, une saison où j'étais mobilisé tout au long de cette saison à mes côtés pour ce magazine Horizon. Tu as pris du plaisir? Ah bien sûr, comme chaque année. Ce sera l'année prochaine? Ben oui, pourquoi pas, oui. On a rendez-vous le 21 juin. N'oubliez pas que Top bien Chrono sûr. Sera à côté de la radio pour la fête de la musique. Dans un autre répertoire, ce sera les frites, les sandwichs, mais on sera là. Et Monique, est-ce qu'elle sera là l'année prochaine? Oui, bien sûr. Enfin, normalement, oui, bien sûr. Mais quand tu as peur d'être licencié comme moi? Non, pas licencié du tout. On va faire parler le directeur d'antenne dans cette dernière de Top Chrono. C'est bientôt 20h. C'est bientôt fini. François Gomez, l'année prochaine, ça va faire un compte rond, mon cher François. Salut tout le monde. Eh oui, l'année prochaine, en fait, nos 10 ans. C'était la dernière ce soir, c'est toujours émouvant. Rappelons-nous, il y a quelques années, jadis, que Top Chrono se terminait le 4 avril. Aujourd'hui, on est le 4 juin. Ça veut dire toute l'ampleur que la radio a pris. Oui. Et ça me fait plaisir. Oui, et puis le sport qui a sa place à la radio. Parce qu'on se rend compte que nous avons des talents, nous avons des athlètes qui nous surprennent chaque fois qu'ils viennent ici au studio. Et des gens qui sont généreux dans ce qu'ils font. Exactement, voilà. Oui. Donc, félicitations Fred pour ton émission. Non, l'émission, c'est toute une équipe. Hein. Exactement. Et Dimitri, tu as été le DR de DR, c'est toi qui es venu fermer un petit peu les studios. C'est toujours un plaisir de venir ici, on est super bien accueillis, ça se passe très bien, une équipe terrible. C'est très gentil, bye bye, à très bientôt, et bien sûr, au revoir à Jean-Yves, à Didier Bougon, et surtout à notre ami Henri, bye bye. Ce programme sportif vous a été offert par le groupe Béducy, votre spécialiste sanitaire, plomberie, chauffage, présent sur 12 points de vente dans la région. Plus d'infos, www.beducy.fr.